Tes yeux la contemplent en rêvant d'amour. Mais elle parle et rit avec des gens autour. Et tu n'y peux rien. Parfois vient vers toi, alors tu espères qu'elle te voit. Mais ses yeux ne s'arrêtent pas lorsqu'ils passent sur toi. Et tu n'y peux rien. Toi tu avances vers elle, mais déjà tant d'autres la pressent, et tu n'y peux rien. Ses bras et tu n'y peux rien.